Bonsoir à tous, vous êtes en train d'écouter Terence Free Jazz Hour. Everybody, everywhere, welcome to Terence Free Jazz Hour. And tonight we got two special guests in the studio. Noël Taché from Impro Jazz. Noël, tu vas dire bonjour. Bonsoir les auditeurs. Un peu plus près du micro. Bonsoir les auditeurs. D'accord, et aussi nous avons un musicien important sur la scène de musique improvisée, je vais pas dire jazz, free jazz, musique improvisée en France, en Europe, je dirais, Western Europe. Oui. Oui, d'accord. Et qui est Pascal Marzon, qui fait partie des musiciens, des guitaristes qui jouent de la Spanish guitar. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Bonsoir. Et on va pouvoir parler à Pascal tout à l'heure, mais d'abord on va plutôt parler à Noël, qui va nous présenter la musique de Ig Henneman. Ig Henneman, le, comment on dit, altiste. Elle est altiste. Oui. Altiste hollandaise. Qui a fondé son label avec Ab Bars, un label qui s'appelle Each Stitching Wig. So, alright. So. Non, en fait, le label s'appelle uniquement Wig. D'accord. Alors, Each Stitching Wig, c'est quoi? Je sais pas trop ce que c'est. C'est l'appellation du site sur lequel on trouve le label, mais le label s'appelle Wig. D'accord. Bon. D'accord. Alors, tonight we have Noël Taché from Impro Jazz and the Spanish guitar player Pascal Marzon. We'll be speaking to Pascal around 11:30. We are going to begin the show with Noël Taché presenting Ig Henneman's music. Ig Henneman, the viola player from Holland, who... All her music is available on her own record label, which is called Wig Records. Wig, W-I-G, Wig Records. And here we go with Noël Taché on Ig Henneman. Alors, Ig Henneman, c'est une, comme l'a dit Taran, c'est une musicienne qui joue de l'alto, du violon alto. Voilà, Taran m'installe mon micro, il est très très gentil, ça a très bien marché. Mais au niveau de mon nez, ça marche. C'est bizarre. Voilà, donc Ig Henneman. Donc c'est une musicienne qui joue de l'alto, elle a une formation classique en piano au départ. Et elle a une musique qui est très très très particulière, qui est un petit peu du côté de l'improvisation, un peu du côté de la composition. Et puis je crois qu'on va passer une première musique d'elle tout de suite. C'est une musique qui date de 1990. Il est joué en quintette. Un disque, le premier disque paru sur Wig qui s'appelait In Grassetto. Et c'est la plage qui s'appelle Dee. Et on va voir tout de suite un petit peu comment Ig Henneman arrive à mêler énormément de choses dans une harmonie qui lui appartient, puis on parlera un peu plus de cette manière là qu'elle a de passer d'une chose à une autre. Donc c'est In Grassetto. All right, so here's a piece from the album called In Grassetto by Ig Henneman Quintet. It's written with a K, Quintet, from 1990. Ig Henneman on viola, Hein Beigenberg on bass clarinet, Bart van den Putten on alto saxophone, Fred van den Hoven on drums, and Wilbert de Jute on double bass. The album is on Wig Records. Thank you. was in a piece from In Grassetto. It's called D by Ig Henneman Quintet from 1990. And in fact, Pascal Marzan, he doesn't play the Spanish guitar. He plays the Spanish guitar, the instrument, but he doesn't play the Spanish guitar as in style. More clarification on this later. We continue with Ig Henneman. Yes. Alors à nouveau Ig Henneman, pour un morceau maintenant de son deuxième album, et on va le prendre dans l'ordre chronologique. C'est un album qui s'appelle Dickinson, en tête cette fois, donc autour des textes d'Emily Dickinson, la poétesse 1830-1886. Et non seulement elle a composé à partir des textes, mais les textes sont chantés, sont dits. Et là, on va entendre à nouveau un petit peu le travail qu'elle fait avec les batteurs. On a pu l'entendre un peu avec Fred Van Dunhoven là, dans celui-là. Là, pour ce disque-là, elle a pris Catherine Hex, avec un style donc tout à fait particulier. Et on va voir là l'alliance d'une batterie assez rock avec une voix qui va, on pourra en parler après peut-être, qui va dans pas mal d'endroits à la fois. Donc c'est Dickinson, I Felt a Cleaving in My Heart. All right, the album is called Dickinson and the piece is called I Felt a Cleaving in My Heart by the Ig Henneman Tented from 1990 on Wig Records. But could not make them feel it. I strove to join unto that thought before, but sequence reveled out of sort. Nine balls are from a floor. Nine balls are from a floor. Thank you. Voilà, c'était donc I Felt a Cleaving in My Heart de Dick Enneman sur le disque qui s'appelle Dickinson. Et on a pu entendre la manière qu'elle avait de faire des groupes, de fédérer des groupes, de faire sonner des choses de manière étonnante en mélangeant des sons qui n'ont pas l'habitude d'être mélangés. Là, on avait ce ténor très, très fluide avec une voix lyrique, etc. On va pas faire une analyse plus à fond. Peut-être passer maintenant à son disque de 95, en tête, toujours un disque qui s'appelait Repeat That, Repeat, avec la plage qui s'appelle The Silver Swan. Et là, on va entendre qu'elle s'appuie encore davantage sur la parole, sur les mots, et ce sont les mots qui font naître la musique au départ, les mots parlés. Who living had no note when death approached. Unlocked her silent throat, leaning her breast against the reedy shore. Thus sung her first and last, and sung no more. Thus sung her first and last, and sung no more. Farewell. last. Ces 4 ans, on va arriver en 99, et là, Ike Hanneman, elle commence son premier quatuor à cordes, et on va entendre une plage qui s'appelle Sing No More, où on va avoir un peu l'inverse de ce qu'on a entendu là. Au lieu d'avoir une mélodie qui s'étend et qui prend toute sa place, C'est une suite de débuts, quelque chose qui commence sans jamais s'enchaîner vraiment. Et voilà, écoutons. All right, so here's a piece from the album called Pez, P-E-S, by the Hanneman Street Quartet, with Ike Hanneman on viola, Mary Oliver on violin and viola, Tristan Horsinger on cello, and Wilbur the Dude on double bass. All compositions Ike Hanneman improvised by. Alright, all compositions are improvised. And the album is on Wig Records. And the piece is... Sing No More. I Sing No More. C'est la place 4. Thank you. c'était minimaliste, c'était comme deep listening. C'est ça, hein? Deep listening, c'est le principe qu'il n'y a pas de musique, on n'entend rien. En fait, tu mets un disque de deep listening et là, on n'entend rien. Ça, c'est deep listening, il faut. C'est pas ça? C'est pas ça, Pascal? Oui, Pauline Olivia Ross, hein, c'est ça. Hein. Tu mets le disque, tu entends à écouter parce qu'il y a des, tu vois, il y a des noms des gens, des saxophonistes, les trompettistes. Mais quand tu mets le disque, tu entends juste. Oui, il faut entendre très profondément à l'intérieur de soi. C'est ça, deep listening, c'est ça. Mais c'est le contraire de easy listening. C'est non, c'est pas... je dirais pas que c'est le contraire. C'est un extrême de listening. Ouais. C'est écouter ce qui n'existe pas. Non, ouais. Mais là, il existait des choses. C'était tout petit, oui, non, mais c'était oui, très ténu, c'était à la limite non, de la construction. C'est juste qu'il m'a rappelé de deep listening, alors je me suis dit... Mmh. Ouais. Alors, ça, c'était un des premiers essais donc, de Ig Henneman en quartet. Est-ce qu'on a annoncé les noms des musiciens du quartet? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Est-ce que tu pourrais les annoncer, Taran, peut-être? Oui, mon hollandais est aussi bien que le tien, on va voir. Non, c'est pas celui-là, c'est Pess. Ah oui, c'est Pess. Voilà. Comment? Tristan Otsinger au violoncelle. Oui, Tristan Otsinger au violoncelle, cello. Ig Henneman au viola, alto. Viola, c'est alto. Alto, c'est l'alto, hein. Alto. Est-ce que viola, on peut l'utiliser en français aussi? Non. Non, alto, d'accord. Et Mary Oliver au violon et alto. Et Wilbert de Jude à la contrebasse. Comment on dit Wilbert de Jude, Pascal, tu dois savoir. Pardon? Wilbert de Jude, le contrebassiste. Oui. Comment on prononce son nom? C'est Jude ou c'est Wood? C'est comment? Ah non, je ne connais pas. Tu sais pas? Je connais juste quelques amis qui pourront prononcer leur nom. D'accord. Ça reste un mystère pour moi. Là, non? D'accord. D'accord, parce que l'autre jour, parce qu'il m'a dit que c'est Jean-Michel Van Schoberg. Et moi, je disais Schubert. Moi, je dis Van Schoberg. J'arrive même pas. Je connais bien Jean-Michel, donc j'ai essayé de capter quand il disait son nom. D'accord. Ouais. Alors, voilà. Bah, c'est quoi le prochain morceau, Noël? Et ben, le prochain morceau, ça va être encore avec Wilbert de Jude. Wilbert de Jude. À la contrebasse, que c'est quelqu'un qui a accompagné Ig Henneman dans pratiquement tous ses projets. Il y a d'ailleurs un album de solo de Wilbert de Jude à la contrebasse. Ah oui, Holo qui s'appelle. Qui est un très bel album. Mais là, on va passer en 2002, c'est-à-dire 3 ans après. Un de mes albums préférés du quartet à cordes de Ig Henneman, qui s'appelle Piazza Pia, qui est inspiré de musique italienne, de musique de la Renaissance, de musique baroque, de musique populaire aussi. Et on va passer la plage 2 du disque qui s'appelle Maranzanata. C'est sur le disque que tu as, Taran, c'est la plage 6. D'accord. Et là, on va voir un peu comment, à partir de 4 instruments seulement, ils arrivent à une épaisseur sonore qui peut rappeler quelquefois le travail que font d'autres instrumentistes, des saxophonistes par exemple, pour multiplier les sons à l'intérieur. Et là, on a vraiment un orchestre. All right. Ig Henneman String Quartet on the album Piazza Pia. Thank you. Voilà, donc après le String Quartet, Egenemann a monté un trio qui est toujours en activité, qu'on n'entend pas assez en France, qu'on n'a même jamais entendu, je crois bien, c'est le trio de Queen Mab, avec Laurie Friedman à la clarinette basse et puis Marilyn Lerner au piano. Et dans leur premier enregistrement, qui s'appelait Seesaw, qui a été enregistré en 2002 et qui a été publié en 2005, toujours par Wig, il y a une place qu'on va écouter qui s'appelle Galina Yu, qui est en hommage à une compositrice russe qui est née en 1919 et qui est dont Egenemann dit qu'elle est une de ses héroïnes musicales. Elle dit d'elle, les partitions d'Osvolskaya ont l'air toutes simples, mais elles produisent beaucoup d'effets. Elle m'a donné le courage de continuer à suivre mes propres idées à ma propre manière. Puis elle dit ailleurs aussi, donc toujours Egenemann, ma musique, je la pense en termes de texture et de son. C'est pour moi une démarche naturelle, mais que je pousse très consciemment. J'aime les sons droits. Par exemple, les cordes sans vibrato, sans ornementation, les changements soudains dans la dynamique, les sons bruts. Non polissé. Ce que je sais, c'est que j'aime la musique qui possède une ligne claire et une texture ouverte. Je crois que tout ça, on l'a bien entendu dans les morceaux qu'on a entendus. Et on va l'entendre à nouveau dans ce morceau, la Galina You, avec justement des changements de dynamique brutaux plutôt, on va le dire comme ça. C'est parti. Right, that was the trio Queen Mab Trio from the album Seesaw on Wig Records, with Marilyn Lerner on piano, Lori Friedman on bass clarinet, and Clarinet Ig Henneman on viola. And the piece is called Galina You, which is a composition by Ig Henneman herself. There's another piece coming up from the Queen Mab Trio. Ah, on va rappeler, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de cette série sur Ig Henneman, que on trouve très facilement des renseignements sur Ig Henneman et Abbars par leur site www.stitchedinwig.com. Vaut mieux taper Wig ou bien Henneman ou Bars, c'est plus simple, on y arrive plus facilement. Ouais. De toute façon, l'adresse exacte est sur le site de l'émission à Radio G. Ouais. Il y a des références, certaines références du label Wig sont distribuées par ImproJazz. Donc là aussi, ImproJazz, on trouve ça sur le site de l'émission. On trouve aussi simplement en tapant ImproJazz, ou bien on s'adresse directement à ImproJazz@wanadoo.fr. Et puis les disques de Abbars, Ig Henneman, les disques du label Wig sont distribués par Subterran Distribution vers www.subdist.com. On trouve ça très facilement. Et puis l'avant-dernier morceau, ça va être un morceau du deuxième disque du Queen Mab Trio, et sûrement la musique la plus gaie, la plus légère de la soirée, avec un titre en français, ça s'appelle Fluette et légère. D'accord. Coming up is another piece by Queen Mab Trio from the album called Thin Air. Thin Air Queen Mab Trio with Laurie Friedman, Ig Henneman, and Marilyn Lerner. The piece is called Fluette et Légère, composition by Ig Henneman. Fluette et Légère on Wig Records, Queen Mab Trio. The album is Thin Air. Thank you. right. Queen Mab Trio. Queen Mab Trio. Très, très beau trio de Hugh Heinemann avec Laurie Friedman à la clarinette basse et Marine Lerner au piano. Un trio qu'il faudrait bien faire venir en France dans des festivals, dans des concerts. Ce serait vraiment bien. Oui, et puis... juste un point sur Queen Mab Trio. En fait, c'est, j'ai lu sur le disque, même c'est écrit que Queen Mab Trio est le nom du trio. C'est inspiré de d'une reine, c'est ça, Queen Mab. Well, moi je suis en train de lire les liner notes du disque. En fait, ouais. Non, je crois pas que je trouve pas là, ça, mais ça vient d'une composition de Berlioz. D'accord, une composition de Berlioz. Oui. Ne m'en demandez pas plus, je suis pas allé voir. Et pourquoi il a nommé Queen Mab? Parce que c'est un personnage, c'est un opéra, un oratorio, je ne sais pas trop. Ouais. Mais c'est un morceau de musique que Hugh Heinemann aime bien, et où Marilyn Lerner, les trois, elles se sont inspirées de ça au départ pour commencer à travailler. D'accord. D'accord. Et parce que tous les trois sont des femmes, je pense qu'il y a aussi quelques. Il y a aussi des. Comment on dit des nuances féministes. Féministe ou féminine? Oui, d'accord. Ouais. Mais c'est vrai, quand on entend le poids de Marilyn Lerner sur son piano, c'est une belle énergie. Hein, ouais. Trois. Voilà. Et c'est une musique qui est pleine de sensibilité, mais sans la moindre sensiblerie. Sauf l'absence de vibrato de sorte de Hugh Heinemann. C'est une musique très droite, très rigoureuse. D'accord. Et elle reste rigoureuse aussi quand elle joue avec un homme. Là, ça va être avec Abbars, le duo avec Abbars qu'elle a en même temps que ce trio Queen Mab Trio. Voilà, c'est ce que je trouvais plus le nom. Et là, c'est le dernier disque, le disque en duo paru sur Wig, toujours dernière parution. Ça s'appelle Stoff. On va passer le premier morceau du disque qui s'appelle I Dazzle. I Dazzler avec Abbars au plusieurs instruments et Hugh Heinemann au toujours à l'alto, ce qu'on appelle le viola en anglais. All right. Stoff with Hugh Heinemann and Abbars on Wig Records. What am I doing? Yes, on Wig Records, and here's Noël, merci beaucoup. Oui. Pour présenter Ig and Amen, pour avoir présenté Ig and Amen. Bah, c'est un aujourd'hui. Plaisir de parler un petit peu de cette grande musicienne qui est beaucoup, beaucoup trop peu connue, qui est entre l'écriture, l'improvisation, et qu'il faudrait bien entendre un peu plus. D'accord. Et Noël Taché est aussi l'homme qui a chroniqué en fait tous les disques de Ig and Amen dans Impro Jazz. Oui, dans Impro Jazz, il y a quelques années, paru un entretien qu'on avait fait par internet. Oui. Avec les chroniques de ces albums aussi. Mais allez les écouter vous-même, ce sera beaucoup mieux. Ils sont disponibles très facilement. Ce sont de très très beaux disques. D'accord. Et oui, voilà, entretien et les chroniques de disques, on les trouve tous sur Impro Jazz. Sur Impro Jazz. Est-ce que les anciens, comment on dit, éditions sont disponibles de... Tout est disponible. Tout est disponible sur Wig. Oh, d'accord. Les Impro Jazz. Ah, les anciens numéros d'Impro Jazz. Ouais. Oui, oui, oh, oui. En demandant ça à Philippe Renaud, à Blois, à Lady Myosotis, on trouverait ça très facilement, à mon avis. Il doit voir ça d'accord. dans sa cave. L'information sur toute la musique, les liens vers le label, vers Ig and Amen, Ed Barz, Stitching Wig, Impro Jazz et tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, vous allez les trouver sur le site de l'émission. Terence Free Jazz Hour. Alors, je vous donne pas l'adresse parce que ça peut être compliqué. Simplement, tapez Jazz ou Free Jazz Radio G, Angers, Free Jazz, Taran, T-A-R-A-N, c'est facile. Taran, Jazz. Et une dernière chose, pour ceux qui veulent envie d'écouter Ab Barz bientôt en France et pas très loin d'ici en public et en concert, il sera avec l'ICP de Misha Mengelberg pour la journée de clôture du Festival du Mans. Voilà, Europa Jazz ICP Orchestra. C'est quelle date? J'ai oublié, c'est 31 mai, je pense. C'est 30 ou 31, c'est le dernier jour du mai. C'est le dernier jour, c'est le dimanche, donc le dimanche. C'est le dernier dimanche du mai. Hein. Voilà, l'après-midi à l'abbaye de Lépau. À l'abbaye de Lépau, au Mans. Voilà, c'était Ig and Amen présenté par Noël Taché. Et maintenant, on va parler avec l'autre invité, Pascal Marzon, qui...